fais sauter les plombs de ton système d'alarme interne. J'en brise les serrures, c'est un braquage à l'italienne. Formaté, conditionné, l'état d'esprit français. Depuis le CP, on ne t'apprend qu'à t'incliner. Sors la tête du sac, la vérité va t'éblouir. Les médias mensonges ne font que grossir. Délation, diffamation, propagande aveugle. Journaliste complice de cet état du vice. Zordi saisissent pour la forme, mais sans oublier le fond. Mais le affaires oh l'homme lourd, sans pousse la fonte. Captain Sack, mais plus fort tous les jours. Marsden Cap, sans pense, sommaire autour. Le score est plié, laisse à moi et dominé. Là où kiffe le couplet écrit en 10 minutes. À l'aise sur le beat qui sape la 10 minutes. Ou tape d'un vidéo prétend ou minute. D'instru, y'a comme un vent de panique. C'est bon, j'kiffe la rythmique, j'ai pas besoin de public. Pas de dick ces derniers temps, y'a pas de big story. J'taffe pour mes adhérents, j'lâche pas le bis promis. Et dans le rap, j'promets, j'mise sur être honnête. J'passe pas mon temps à rapper le ras-le-bol trop laid. J'ai pas le time, studio, j'reste aux manettes. Plan d'em show, j'suis souvent sur une autre planète. J'lâche mon place, j'ai des asco pour les intimes. Soldats du 974 quand il s'agit de faire des victimes, car y'en a marre de toutes ces zoulettes en ballerine qui ternissent le rap avec leur son à 10 centimes. Faut que les décime tous de janvier à décembre en restant affûté tout comme la lame de mon sabre. C'est macabre envers le rap qui aime le swag. Les gars savent comme des meufs, dites-moi franchement c'est quoi la blague. Dans l'air, ça sent griller. C'est les fragments de mon pic sur le papier. J'ai la capuche et la faux. J'te faux, je vais pas prier. Toujours bien épaulé. Les amitiés sont triées sur le volet. Toujours dans les bons coups. Toujours à droite, à gauche. C'est hardcore comme une balle dans ton corps qui ricoche. Le foulé à housse, toujours à la connaître. À courir maintenant, c'est pas la peine. Ok, on touche trop, ça va trop vite. Ralenti après, faudra être patient. Moi, je suis à l'aise que sur l'outro. Va leur dire après, chez nous, je dégomme l'invite en passant. C'est le glaçon qui catch à 3-5 degrés en cassant. À quoi servent mes 16, j'ai fait plus gaffe en me plaçant. Il fait toujours aussi haut, je ferai toujours aussi mal en te glaçant. On veut le mur, on veut le accord. Fais beau le maire, lui toutes les d'accord. À grands amers. Des mabous mon corps, réclame la terre dans le collet, passe mon code. MC endémique, tout type de test, mais j'ai pas 4. Quand mes canons en dérive, et mon PSF est facile 4. Bref, j'ai dit ça, c'est pas à côté rappeur en carton. La délicate, pas à côté docteur en fouton. Ici ça sonne chill, bouchine, découpé charcute. Mode plastique comme le C4, MC en furie. RD4, transmission Delta, rime, vélocité, histoire de kicker. Paranos, foutu métro, rend schizo. Schizé, squeezé, rime explicite comme un col bien dosé. Crache du feu dès qu'il s'agit de broser. Écarlate comme une comète qui à terre s'éclate. Allez, parlez, parlez, parlez, ou fermez vos gueules, c'est pareil. J'en ai plus rien à branler, on me verra plus sous aucune bannière si j'ai la mégratinée. Maintenant je vous entends à peine, je crois plus qu'au montant de ma paye. Le rap est mort, j'en suis rescapé. Allez, parlez, parlez, ça qui remet la merde. En ce qui me concerne, y'a pas de malaise. Vous écoutez, me fait bien marrer, tout le monde sans appel. S'inquiète, m'explique avoir la clé, la solution, mais fais la gueule. Et les conseils n'empêchent pas les impairs. Parle de politique ou rap la fesse pétée. Faut faire taire les polémiques. Stop la brasse, les mains attachées. Chance move, c'est quasi certain. Triomphe le jour et t'es cocu le lendemain. Éternel crevard bloc sur cul de bouteille. Voir la France qui dort, ça me donne la gerbe. Sale con, investi dans la terre. Barricade-toi, c'est la guerre et tu vois rien, man. Réveille-toi. Mon rap sans l'illicite, et je m'en félicite. 9-7-4, bon la moukate, le son les faits ici. Et ouais, tu peux paniquer, ta race tu peux la niquer. Chez nos impôts sont style unique, impossible à dupliquer. Dis-moi, je dois quoi à qui? Et si tu crois que c'est à toi que je dois renoir, mettre un doigt d'autre qui? Je suis arrivé là, seul tout, sans faire de sale dos. Mais en quelques sales tours, j'avoue, c'est doux.